est-ce que tu m'entends? Fluffy, stop changing. Ah merde, oh putain. Fluffy, est-ce que tu parles français? C'est là? Tu as Jam Taba, il y a une traduction instantanée. Ouais, j'ai pas envie d'écrire en plus. Est-ce que tu as Jam Taba? Putain, mais les Suisses ils parlent pas français. Ouais, je chante avec toi alors. Je ne connais pas tes paroles. Je ne connais pas tes paroles. Je ne connais pas tes paroles. Je ne connais pas. Putain, c'est bordel. Yes, don't understand the rules, but you're ready now, my friends. Hey, hey, oh, oh, oh, oh. Is it possible to play one of your songs? You choose one song, and it's possible to play with you your song. With a drum track and the chords, guitar, piano. Oh, do you want to sing alone? Qu'est-ce qu'il dit? 9-7 adolescents, yes. You take money, too many alcohol? 7 adolescents. I don't know life, but I don't know a step to come away. I don't know. Hey. Hey. Yo. suivre. I've been wasting my eye as the tree who was too long without him. Ouais, c'est facile là. C'est bien ça. Is it possible to play this song? Attends, qu'est-ce qu'il dit? Je veux jouer de nouveaux trucs, donc juste une seconde. Do you want to play alone or do you want to play with musicians? C'est comme tu veux, si tu veux jouer tout seul, faut te laisser tout seul. Hey Jack Daniel, arrête de picoler. Arrête, tu picoles trop là, tu contrôles pas la situation, c'est dommage. We'll be right back.